sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on commence avec une nouveauté en provenance des États-Unis. Il s'agit du guitariste Fernando Perdomo, un musicien qui a une feuille de route longue comme le bras. On le retrouve notamment aux côtés de Dave Kirshner. Il joue aussi au sein du groupe de Parlophonics. Et puis, évidemment, il présente des albums sous son nom. C'est le plus récent pour titre Self. En fait, il va paraître le 14 juin. On vous présente un premier extrait. C'est la pièce titre et on sent très bien les atomes crochus avec Yes dans cette pièce. Et puis, on aura aussi de Pologne à Maroc. Avec un extrait, c'est le second extrait qu'on vous présente de l'album Hope, septième album studio pour ces Polonais. Et puis Marc, par la suite, on passe aux États-Unis. Oui, en effet, on aura pour vous un deuxième extrait du nouvel album de la compositrice et guitariste américaine Jane Getter, le Jane Getter Premonition, tiré de l'album Division World. On aura la pièce titre et on aura également un second extrait du nouvel album de l'auteur-compositeur-interprète français Tom Penagouin et son album éponyme. On aura pour vous ce soir la pièce Aborted Long Piece No. 2. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec une pièce du prochain album de l'artiste Fernando Perdomo. Oh, Are sleepless, no light. They boost my weakness inside. Seems endless, no sight. I'm longing for daylight in dance. I'm scared. I'm sorry. to have no fear for what is to appear will bring peace to my mind. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. À vos marques, soyez prêts, misez. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Abonnement VD, hébergement, œuvres d'art, certificats cadeaux, resto-bar, loisirs et plus encore. Deux options vous seront proposées, soit la mise instantanée ou la mise maximale. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Bonne chance! Du 13 au 16 juin, le Festival de la chanson de Tadoussac, présenté par Québecor en collaboration avec Hydro-Québec, fête ses 40 ans. De Élie Sapie à Philippe Braque, en passant par Marjo ou Safia Nolin, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Chante-moi la chanson. Viens profiter du festival et célébrer avec nous 40 ans de fête avec des surprises et des concerts en pleine nature Loto-Québec. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeport sur chantadoussac.com. Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impérial Belle de Québec. KateKuna.com pour toutes les dates de spectacle. Le vendredi 26 avril, c'est à la Korrigane que ça se passe. Dans le cadre de la Semaine des bières de microbrasserie du Québec, on vous invite à la toute première édition du Tap Takeover Estival de la Korrigane. Dès 16h et pour toute la soirée, ce sont 11 microbrasseries des quatre coins de la province qui prendront le contrôle de nos 13 lignes de fût avec des produits sélectionnés spécifiquement pour l'arrivée de l'été. Tous les détails au korrigane.ca et sur notre page Facebook. Se bourrer la face au profit de CKRL, ça n'a jamais été aussi facile. Salut, c'est Jessica Leb. Je te donne rendez-vous à 3 événements musicaux et gourmands lors du Radioton de CKRL, ici même à la station. Le 26 avril dès 17h, c'est l'apéro d'ouverture avec The Blaze Veluto Collection en spectacle. Samedi 27 avril dès midi, viens dîner avec Marco Cagliari en prestation. Et le dimanche 28 avril dès 11h, le restaurant Le Champlain du Château Frontenac prend place à CKRL pour te servir ton brunch. Réserve ton billet VIP sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Il n'y a que 12 places par événement. Alors, tu viens nous rejoindre? Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, on va donner le coup d'envoi de cette seconde demi-heure avec une nouveauté en provenance du Royaume-Uni. Il s'agit du groupe MOR, j'espère que je le prononce comme il faut, M-O accent circonflexe R. C'est un trio et on y retrouve notamment le guitariste et claviériste Peter Rand. C'est un premier essai pour ce trio et le disque a pour titre The Wisdom of Simple Things. Et comme premier extrait, on a retenu la pièce Rivers. Et puis Marc, par la suite, on a deux invités qui vont se produire le 19 mai prochain dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita. Et tout cela se déroule à la Chapelle Spectacle. C'est l'endroit qui accueille le festival depuis plus d'une décennie, une salle qui est remplie de nombreux excellents souvenirs. Oui, tu peux le dire, Michel, avec tous les bons spectacles qu'on a vus, c'est incroyable. Le Festival Terra Incognita, c'est à ne pas manquer. Et on aura la chance cette année de voir une formation norvégienne. Ça fait déjà plusieurs années qu'on les attend. Enfin, on aura 35 tapes. Et ce soir, on aura une pièce de leur premier album paru en 2019. Ils ont 3 albums en carrière. Leur premier, donc, qui a pour titre Lost and Found. Ils ont réalisé leur second album, Home, en 2021. durant la pandémie, et leur plus récent album, l'excellent Fabric of Times, qui est paru l'an dernier, en 2023. Donc, alors pour vous, on aura ce soir un extrait de la longue pièce de leur premier album qui a pour titre Mushrooms, et ce sera suivi de la formation italienne, une autre formation que j'ai très hâte de voir, avec une musique rock et orchestrale, la formation Ranestran. On a la chance de voir ce spectacle dans le cadre d'une tournée qui vient d'être annoncée, qui a pour nom le Cinematic Tour 2024. Ils seront le 10 mai à Rome, le 19 mai à Québec au Festival Terra Incognita, le 25 mai à Zoetermeer aux Pays-Bas, et ils termineront leur tournée en Italie à Lugagnano. Et on aura pour vous ce soir un extrait de leur plus récent album Apocalypse Now, qui a été réalisé en 2022. Et on aura pour vous la pièce qui clôt cet album, En Nuovo Dio. Mais pour débuter le bloc musical, comme vous le disait Michel, une pièce d'une nouvelle formation du Royaume-Uni qui a pour nom More. Unseen and underground, a metaphor to pass and ponder. This river bound by convoluted maze, each life a multitude, a confluence of tributaries, each twist and turn pursued in unintended ways, slowed through the Everglades, erosion leads to deposition, so too as interest fades, in other ways we grow, flow akin to narrative, each river a story, an ancient story. Thank you. each drop of rain becomes a river, each stream and water cause the people that we know. Doubt not your power to change unto yourself, yourself deliver. Avoid not the hard or strange, or providence forego. Like a magic mushroom floating in the sky, or a planet torn apart in a beautiful way, like a smiling giant hanging on my wall, it shows me where to find the missing piece. These songs were made of things that God. These songs made me high. The wind was blowing, the noise was loud and clear. Sadly, Steve decides to disappear. We met in the sunset, failing set free. White seats on the carpet and the box machine. The music turned me on. Still, they turned. Texas and the coastliners. The mighty watcher was no longer hiding in the sky. The warm winds lifting us from the ground.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL vous invite à participer à l'événement incontournable de l'année, le Radiothon 2024, du 26 au 28 avril. Au fil des prochaines semaines, faites un don pré-Radiothon ou renouvelez votre carte de membre avant le vendredi 26 avril à 17h. Notre objectif, 50 000 $. Courez la chance de gagner le prix spécial Don pré-Radiothon ou le prix spécial membre de CKRL d'une valeur de 300 $. Soit un certificat de 150 $ de la boutique Le Pédalier et 5 items de votre choix de la marchandise officielle de CKRL. Votre radio, votre communauté. Les tirages auront lieu le vendredi 26 avril à 17h. Pour plus de détails, ckrl.qc.ca. Nous sommes en 1917. Première guerre mondiale, révolution russe. Moscou est le noyau de grands bouleversements sociaux. À huis clos, Nina, Treplev et Trigorine, un triangle amoureux figé dans le temps, espèrent un avenir meilleur. Dans une mise en scène mêlant le concert, le théâtre et l'art vidéo à grand déploiement, retrouvez les protagonistes de La Mouette de Tchekhov 15 ans plus tard. Nina ou la fragilité des mouettes empaillées, au théâtre Périscope du 9 au 27 avril, une production de La Tralée et de Carte Blanche. Billets en vente maintenant. Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Emplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25 $. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le jazz vocal d'Andrea Superstein. Little one, you're so lovely. You'll find your way. L'artiste canadienne qui brille par sa voix riche et ses mélodies accrocheuses célèbre la parentalité avec son nouveau spectacle Oh Mother. Le 4 mai, au Palais Montcalm, laissez-vous bercer par les chansons à la fois originales et accessibles d'Andrea Superstein. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. C'est l'émission Terra Incognita qui se poursuit sur les ondes de CKRL avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors dans le prochain bloc musical, on aura entre autres un duo norvégien qui a pour nom Georgia. Et on aura pour vous ce soir un extrait de leur album Natfjolen, paru en 2019. C'est leur cinquième album en carrière et leur plus récent est paru en 2023. On aura également un extrait du plus récent album de l'artiste italien Andrea Orlando. Et c'est tiré de son plus récent album La Scienza del Stagioni, son deuxième en carrière solo. Et on aura pour vous la pièce La Strada del Ritorno. Et pour débuter le bloc musical, Michel, un nouvel extrait d'un excellent album paru en 2024. Oui, on va voir un extrait de l'album In the Space du multi-instrumentiste polonais Marcin Pajak. Il a quitté la Pologne pour s'installer à Londres, mais je pense qu'il travaille quand même encore avec des musiciens polonais. C'est son sixième album studio. Il a signé son premier essai en 2014, qui a pour titre Who I Am. Ce soir, on écoute un extrait de In the Space et c'est la pièce Thick Clouds que l'on écoute à l'instant. Finally, their planet is near enough

vita. Sei l'ultima speranza, la bestia capirà. Pour boucler l'émission de ce soir, on a retenu une pièce d'une formation italienne qui a pour nom Raven Sad et qui est active depuis 2005, 4 albums studio à la feuille de route. Et ce soir, on vous présente un extrait du 3e qui a pour titre Layers of Stratosphere, c'est paru en 2011. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants. Don't know anything, over.

C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Abonnement VD, hébergement, œuvres d'art, certificat cadeau, resto-bar, loisirs et plus encore. Deux options vous seront proposées, soit la mise instantanée ou la mise maximale. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Bonne chance! Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Emplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur le pointdevente.com au coût de 25$. L'Anglicane présente un concert exceptionnel. Le 27 avril, laissez-vous transporter par l'alchimie musicale de Chang Puissance 2 Duo. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca. Envie de boire un café de spécialité, fraîchement torréfié? Le Café La Maison Smith est un micro-torréfacteur de la Ville de Québec qui vous offre une gamme de cafés distingués et riches en saveurs pour faire vos cafés à la maison. À Limoilou, l'option vrac est maintenant disponible. Cette succursale est un milieu de vie intégré incluant des espaces multi avec ses salons de coworking, la buvette et l'aire de torréfaction. Allez vivre l'expérience chez Smith. Ou rendez-vous au smithcafé.com. Salut, ici David Bugeaud de Fudge. Cette année, on a l'honneur d'être porte-parole artistique du Radioton de CKRL. Les 26, 27 et 28 avril prochains, on t'invite à te joindre à nous autres et à donner généreusement. Parce que CKRL, c'est une radio différente qui joue un rôle essentiel à la culture d'ici. Le Radioton de CKRL, c'est le rendez-vous annuel pour soutenir ta station communautaire préférée. Manque pas ça! Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Cette émission vous est présentée en rediffusion.